الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir parmi nous mon rabbi le cheikh, le cheikh Abdul Allah, Hisham Mutahiri, Muhammad Hisham Mutahiri, Abdullah Tabarak wa Ta'ala. Donc c'était un sujet qui concerne le tawhid et qui s'intitule l'obligation de prêcher ou d'appeler les gens au tawhid. بارك الله فيك. الحمد لله الحميد، أحمده سبحانه دعانا إلى القول السديد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو المجيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى التوحيد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره على التسديد وبعد. أقول بارك الله فيكم، عنوان هذه المحاضرة وجوب الدعوة إلى التوحيد. وحتى لا يكون الحديث يأخذنا يمنة ويسرة، فإني حددت عناصر هذه المحاضرة حول ما يأتي: أولا معنى التوحيد، ثانيا ما الدليل على وجوب الدعوة إلى التوحيد من الكتاب والسنة، ثالثا لماذا ندعو إلى التوحيد من حيث بيان المقاصد العظيمة للتوحيد، وأخيرا بعض الثمرات التي تدلنا على وجوب الدعوة إلى التوحيد. والشيخ عبد الله عز وجل dit que la conférence s'intitule l'obligation d'appeler les gens au tawhid. Et pour que la conférence nous mène pas à gauche à droite, donc j'ai bien précisé et je vais citer certains points dans cette conférence qui sont les suivants. Premièrement, la définition de tawhid. Deuxièmement, la preuve venant du livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de l'obligation d'appeler les gens vers tawhid. Le troisième point qui va traiter le cheikh sallallahu alayhi wa sallam, pour quelle raison devons-nous appeler au tawhid. Et quatrièmement, les points bénéfiques ou les fruits de le fait d'appeler les gens au tawhid. يقول إن التوحيد الذي هو واجب على العبيد من حيث اعتناقه ومن حيث الدعوة إليه هو توحيد الأنبياء والمرسلين. لا فقط حتى ما تنسى، لأن أنا لاحظت لك تنسى. طيب بارك الله فيكم، أنا أحرر كتابيا لكن ما عليك. Donc, Cheikh Abdallah Allah Azza wa Jalla dit, le tawhid est l'obligation sur les serviteurs du point de vue de le fait d'appeler à Allah Azza wa Jalla. Donc, bien sûr, le tawhid est wajib à l'adwa min haythu da'wati ila Allah. Min haythu atinaqihi wa min haythu da'wati ilayhi. هو توحيد الأنبياء والمرسلين. الحمد لله عز وجل الذي التوحيد هي l'obligation الله عز وجل sur ses serviteurs et c'est le توحيد des prophètes et des messagers عليهم الصلاة والسلام. وهذا التوحيد الذي دعا إليه الأنبياء والمرسلين هو أن نعبد الله وحده لا شريك له. Et ce tawhid vers lequel les messagers, alayhi salatu wa salam, ont appelé leur peuple, c'est le fait d'adorer Allah Azza wa Jalla seul, sans rien versifier. قد قال الله سبحانه وتعالى مبينا هذه القاعدة المضطردة في دعوة الأنبياء ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يا الله عز وجل إذا كسوتين لدون son livre en clarifiant cette règle absolue ce qui concerne la prêche le prêche du prophète alayhi salatu wa salam, en disant nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager pour dire à son peuple adorez Allah et écartez-vous de ta route. وَهَكَذَا قَالَ جَلَّ وَعَلَى وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُ. Et de même également Allah Azza wa Jalla dit dans son livre, nous n'avons envoyé aucun prophète avant toi sans qu'on lui a révélé qu'il y a de divinité qui le mérite d'être adoré, si ce n'est Allah, qu'il y a de divinité, si ce n'est moi, adorerai donc, m'adorerai donc. Ouais. لماذا لم يدعو الأنبياء إلى دعوة إلى توحيد الربوبية مثلا؟ فالجواب أن توحيد الربوبية أصله موجود في فطر الناس وقلوبهم، فلا يقبل عاقل أن يكون ثم حدث أو فعل بلا محدث ولا فاعل. Le Cheikh Abdallah a dit pour quelle raison les prophètes n'ont pas appelé leur peuple vers ce cri de Rububiyya, l'unicité d'Allah, dont la souveraineté. La réponse, c'est que cette base, les gens reconnaissaient par leur nature et que leur cœur reconnaissait et acceptait cette base et qu'il ne convient à aucune personne lui de raison de penser qu'il y a une création sans qu'il y ait un créateur. تسمعوني يا شيخ؟ اي نعم. قد تقع الاتصال هذا الجواب او الفائده التي ذكرتموها ما يخص ان الانبياء لم يدعوا الى سجود الربوبيه لان هذا الارض موجود محفوظ عليه من الناس فلا يقبل العقل ان يكون هناك خلق لدون خالق كما ذكرتم. ووجه اخر ان الانبياء والمرسلين يذكرون في دعوتهم إلى توحيد العبادة الربوبية كدليل، وهذا التقرير منهم في ذكر الربوبية دليلا للألوهية هو تقرير لنوعي التوحيد معا، لكن توحيد العبادة أصدى وتوحيد الربوبية دليلا. Le Cheikh Abdallah Azza wa Jalla dit une autre réponse qui on peut la prendre pour la question que nous avons posée en ce qui concerne pour quelle raison les prophètes n'ont pas appelé leur peuple vers l'unicité d'Allah dans la seigneurie ou la souveraineté. Une autre réponse est que les prophètes alayhi wa salam mentionnent et appellent leur peuple vers la deuxième catégorie du tawhid qui est l'unicité d'Allah dans l'adoration. Donc ils affirment, alayhi salatu wa salam, les deux catégories de tawhid, dont tawhid ou l'ibad, l'adoration, l'ibad. Donc ils appellent les gens vers la base qui est l'unicité d'Allah dans l'adoration et ils prennent la première catégorie de tawhid, tawhid ou aboubiyya, l'unicité d'Allah dans la souveraineté comme un guide. فإن قال قائل فإن الملاحدة اليوم ينكرون وجود الله عز وجل فنقول إن هؤلاء أشبه ما يقولون بالذين لا يعقلون لأنهم لا يقبلون أن يكون هناك فعل أو حدث بلا فاعل ولا محدث لا سيما وإن كان نظاما بديعا متقنا ذا قوانين ونظم فكيف بعد ذلك يقولون بأن هذا الكون الفسيح المنظم المرتب المبني على سنن الله الإلهية أنها وجدت بلا خالق. Donc, Cheikh Abdallah Azza wa Jalla dit, quelqu'un pourrait poser la question suivante. Les athées ont nié l'existence d'Allah Azza wa Jalla. Donc, on répond, donc, ces personnes-là n'ont pas de raison, ce sont des personnes qui ne sont pas douées de raison. Car ils n'accepte pas qu'il y a un acte qui montre qu'il y a un créateur. Car il n'accepte pas qu'il y a une création qui montre ou qui prouve sa créateur. Surtout dans ce monde qui est bien créé parfaitement, qui a des règles. Donc, comment pourront dire que ce monde existe sans créateur? وإذا تقرر هذا فإنا نذكر بعض الأدلة الدالة على وجوب الدعوة إلى التوحيد من الكتاب والسنة. وشيخ حفظه الله عز وجل دي. Puisque nous avons compris cela, nous allons citer quelques textes religieux qui prouvent l'obligation d'appeler vers Tawhid. أول هذه الأدلة وأظهرها أن الله سبحانه وتعالى ما خلق السماوات والأرض إلا لأجل هذا التوحيد فوجب اعتقاده والدعوة إليه كما قال سبحانه وتعالى في سورة الذاريات حيث ذرأ الله الخلق وأوجدهم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني أصلها وحذفت الياء لأجل أن المعنى معلوم إلا ليعبدوني والكسرة دال على الياء قال حبر الأمة ابن عباس إلا ليعبدوني إلا ليوحدوني. Cheikh Abdallah Allah Azza wa Jalla dit, la première et la plus claire et évidente des preuves, qu'Allah Azza wa Jalla m'a créé les cieux et la terre que pour Tawhid. Il dit subhanahu wa ta'ala dans surat al-Dariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et ici le terme Ya'budun se trouve son Ya à la fin, qui se colle en nous, qui se colle à la lettre النون de base, c'est Ya'buduni. Ya'buduni. Et on trouve dans ce verbe que Allah Azza wa Jal a. On trouve dans ce verbe qu'il n'y a pas de Ya à la fin. Et Hadrul Ummah, le plus savant de cette communauté dont on lit déjà du Coran, dit que la signification de Ya'buduni, pour qu'il m'adore, signifie pour qu'il me yuahidun, pour qu'il m'accomplir ou m'unifie. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما أمره الله عز وجل أن يقول في سورة يوسف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرتي أنا ومن اتبعني فسبحان الله وما أنا من المشركين. ففي هذه الآية أمر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يكون داعيا إلى الله، أدعو إلى الله، وهذا طريقه، وأن يتبرأ من المشركين، وما أنا من المشركين، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. شيخ حفظه الله عز وجل دي. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été ordonné par son Seigneur subhanahu wa ta'ala comme qui était dans son refuse pour dire « Nalihi sabi » Donc voici donc ma voix. J'appelle à Allah selon ou avec une clairvoyance moi ainsi ceux qui me suivent. Gloire et pureté à Allah. Je ne suis point du nombre des associateurs. Donc, dans ce verset, Allah Azza wa Jal a ordonné son prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il soit un prêcheur vers Allah. Et il nous a montré, subhanahu wa ta'ala, dans ce verset aussi, la voie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ouvert laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé. Et Allah Azza wa Jal a ordonné aussi son prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se désavouent des polythéistes. Et c'est ça la signification et la définition de la ilaha illallah. Wa qawluhu fil ayat as-sabiqa ad'u ila Allah ana wa man ittaba'ani fiha fihi dilalatun zahira ala wujub ad-da'wati ila at-tauhid wa anna min amyad علامات المسلمين بحق أنهم شعارهم ودثارهم هو توحيد الله عز وجل. دعوتهم ابتداء وانتهاء وعظم دعوتهم هو الانشغال بدعوة الأنبياء والمرسلين. Le Cheikh Abdallah Azza wa Jalla a dit, en restant toujours avec le verset précédent, voici donc ma voix. Donc Allah Azza wa Jalla nous montre dans ce verset, on se trouve dans ce verset, qu'il y a une preuve évidente et claire au sujet de l'obligation d'appeler vers Tawhid, l'unicité d'Allah. Et que cette chose fait partie des signes des gens ou des musulmans, et cette chose, c'est-à-dire le fait d'appeler les gens vers Tawhid, fait partie des grands signes des musulmans qui appellent, ou des vrais musulmans qui appellent vers Tawhid. Et ce verset nous montre aussi que le prophète alayhi salatu wassalam, leur da'wa, leur prêche en premier et en dernier, ou plutôt, Allah Azza wa Jalla nous montre dans ce verset qu'il fait partie des signes des vrais musulmans d'appeler les gens vers Tawhid et que leur prêche en premier et en dernier c'est la même prêche que celle des prophètes alayhi wa sallam. ومن السنة حديث ابن عباس حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، وكان هذا في آخر عهده عليه الصلاة والسلام، فقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية عند البخاري فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فهذا دليل صريح على وجوب البداءة بالتوحيد. Et parmi les textes de la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous montre l'obligation d'appeler vers la tawhid, le hadith rapporté par Ibn Abbas radhiyallahu anhu dans Sahih al-Bukhari et Muslim, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam envoya Mu'adh dans la Grèce, et sachant que ceci était à la fin de l'époque du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc à la fin de son époque, il a envoyé Mu'adh radiallahu anhu à Allah. Il lui dit, tu vas te rendre chez les gens du livre, que Fantajou ila ilaha illallah, appelle-les vers la ilaha illallah. Et dans une autre version, dans Sahih al-Bukhari, rahimahullahu azza wa jal, on rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, appelle-les pour unifier Allah azza wa jal. Donc ce verset, ou ce hadith plutôt, est une preuve évidente qui nous montre l'obligation d'appeler les gens vers le tawhid. انتقلوا الى العنصر الثالث وهو لماذا يجب علينا ان ندعو الى التوحيد. نقول لأن التوحيد مبني على المقاصد والأسس العظيمة النافعة، فكان لا بد من الدعوة إليها، لأن ما لم يبنى على أساس متين كان منهدا. Allah Azza wa Jalla dit, passons maintenant au troisième point qui concerne pour quelles raisons devons-nous appeler les gens vers le tawhid. Il dit, Allah Azza wa Jalla, car le tawhid est la base et le fondement de toute chose utile. La raison pour laquelle nous devons donc appeler les gens vers التوحيد. Et toute chose qui ne se pose pas et qui ne s'appuie pas sur une base, elle sera certes détruite. التوحيد أساس عليه بناء كل الأعمال والأخلاق والعبادات، فمن لم يكن عنده التوحيد لم يقبل الله منه أي مادة سواء كانت قولية أو عملية. ولهذا قال جل وعلا، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. شهد الله عز وجل لي التوحيد est la base de toute chose, et la base sur laquelle sera bâtie toute chose, et toutes les œuvres, toutes les actes qui concernent le bon comportement et la bonne moralité, et ainsi que toutes les actes qui concernent l'adoration. Celui donc qui ne possède pas la tawhid, Allah Azza wa Jal n'acceptera aucune de ses œuvres, que ce soit des œuvres de parole ou que ce soit des œuvres d'actes. Et la preuve, c'est qu'Allah Azza wa Jalla dit dans son livre et qui l'aura privé ou qui l'aura interdit pour accepter leur aumône, c'est parce qu'ils ont cru, ou mécru plutôt, à Allah et son messager, selon la, le sens rapproché par lui. Et مما يدل على وجود الدعوة إلى التوحيد أن التوحيد مبني على أساس عظيم وهو إخراج العباد من عبودية العباد ومن عبودية الدنيا ومن عبودية الشيطان والهوى إلى عبودية الخالق جل في علاه. Le Cheikh Hafidhahullah Azza wa Jalla dit, ce qui montre, ce qui prouve l'obligation d'appeler les gens vers Tawhid, c'est que cette chose, celui-ci, c'est que celui-ci, c'est-à-dire Tawhid, est une base énorme et fondamentale qui concerne le fait de faire sortir les gens de l'adoration de la dunya, de l'adoration des idoles, du diable, de l'adoration des passions vers l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. التوحيد كاسمه يجمع الخلائق تحت شعار عبادة الله جل في علاه وترك شعارات عبادة المخلوقات. ولهذا قال جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم كما في سورة آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء أي عدل بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، يعني لا أنتم تعبدون معظماتكم ولا نحن نعبد معظماتكم، وإنما نعبد الله أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ممكن إعادة بارك الله فيكم شيخ، التوحيد كاسمه يجمع الخلائق تحت شعار؟ التوحيد كاسمه يجمع الخلائق تحت شعار عبادة الله وحده لا شريك له دون عبادة ما سواه، كما ذكر الله عز وجل ذلك في سورة آل عمران في قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. شيخ حمد الله عز وجل دي l'exemple de Tawhid ou plutôt la Tawhid est comme son nom, c'est-à-dire dans le sens. Le Tawhid vient du terme Wahad, c'est-à-dire il regroupe et il réunit la création sous l'adoration d'Allah Azza wa Jal, sous l'adoration d'Allah Azza wa Jal, et contre le fait d'adorer autre que lui. Donc c'est une chose qui regroupe les gens, c'est une adoration qui regroupe les gens sous l'adoration d'Allah sans rien lui associer, et le fait d'écarter, d'adorer autre que lui. Allah Azza wa Jal dit dans son livre, comme au Sourate Ali Imran, selon la tradition approximative, ô vous, les gens du livre, venez vers une parole juste, que nous adorons que nous adorons qu'Allah Azza wa Jal. Donc, Allah Azza wa Jal appelle les gens d'y vivre, comme il dit Cheikh Hafidhahu Allah, d'adorer Allah Azza wa Jal et de n'adorer pas leur statut glorifié et vénéré. من جمال التوحيد الذي يدلنا على وجوب الدعوة إليه أنه ينظم عمل القلب في تعامله مع الله عز وجل وفي تعامله مع قدر الله تبارك وتعالى وفي تعامله مع الخلق، وهذا يدلنا على أن التوحيد هو نظام الحياة. Le Cheikh Hafidhahu Allah dit parmi les choses qui montrent la bonté du tawhid et qui montrent la bonté de le fait d'appeler vers le tawhid, c'est que celui-ci organise le cœur en ce qui concerne sa relation avec Allah Azza wa Jal, sa relation avec le destin d'Allah, que ce soit sa relation avec les créatures. Et cette chose nous montre que le tawhid est les règles qui dressent la vie. وهي بيان ثمرات التوحيد، وهذه الثمرات كل واحدة منها تدل على وجوب الدعوة إلى التوحيد، فكيف لو اجتمعت؟ الشيخ حفظه الله عز وجل الذين finalement nous allons discuter maintenant, nous allons montrer les points bénéfiques, les fruits de Tawhid. Et il dit Hafidhahullah que chacun de ces bienfaits va nous montrer l'obligation d'appeler les gens vers Tawhid. Je veux dire donc, ces bienfaits seront regroupés. أعظم هذه الثمرات أنك بدعوتك إلى التوحيد توقظ الإنسان من النار. وأنا أسألكم سؤالا، لو رأينا إنسانا في مكان ما وفي جانبه حريق، ألا ننبهه؟ إن كنا ننبهه على نار الدنيا لأجل لا يحترق فيها، فوالله إن أوجب من ذلك علينا أن ننبهه حتى يحذر من دار الآخرة. شكر الله عز وجل دي. Le plus grand de ces bienfaits, de ces points bénéfiques, c'est que en appelant les gens vers Tawhid, l'invitation des gens, ou à travers l'appellation des gens vers Tawhid, on leur sauve du feu de l'enfer. Et Cheikh Hafidhahullah Azza wa Jal nous pose une question en disant, si nous avions vu un homme qui est près d'un endroit qui se brûle, du coup, Cheikh Hafidhahullah Azza wa Jal a dit, nous devons donc l'avertir. Et il dit, Hafidhahullah, que si cette chose est obligatoire pour nous, c'est-à-dire d'avertir cette personne parce qu'il y a le feu de ce bas monde à côté de lui, donc il est plus obligatoire d'avertir cette personne et de la mettre en garde contre le feu de l'enfer. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه. الشيخ رضي الله عنه عز وجل ذكر وغفق دون الحديث لمن صلى الله صلى الله عليه وسلم دي الله عز وجل a interdit le feu de l'enfer à celui qui dit « La ilaha illallah » en étant convaincu, en étant, convaincu de cette parole. وأيضا من ثمرات التوحيد الدالة على وجوب الدعوة إليه أن من أعظم ثمراته أنه سبب في دخول الجنة ومفتاح لدخول الجنة، فإن الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن الجنة قال إن الله حرمهما على الكافرين، وقال سبحانه وتعالى لا يدخلون عن الكفار لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. في شيخ عبد الله عز وجل الذي في موقف لبيان في التوحيد لبيان في السجي دافل لجنور التوحيد et que cette chose, le fait d'appeler les gens vers le tawhid, est une cause qui mène et qui fait entrer les gens au paradis. Et c'est une clé pour accéder au paradis. Allah Azza wa Jal dit en parlant au sujet du paradis, selon la tradition approximative, Allah Azza wa Jal a interdit le paradis pour les mécréants. Et Allah Azza wa Jal dit dans un autre verset, et Allah Azza wa Jal dit dans un autre verset, en parlant des mécréants, ils n'entreront pas au paradis. Ils n'entreront pas au paradis. ثم من ثمرات العظيمة أنه يجعل الإنسان في عقل وفي حرية، فإن التوحيد يقدسه من الخبالة والسفاهة ويخلصه من عبودية المخلوقات. الشيخ رضي الله عز وجل dit que parmi les bienfaits de Tawhid, c'est qu'il fait en sorte que Tawhid, parmi les bienfaits de Tawhid, c'est que l'être humain, en pratiquant Tawhid, sera en liberté. Et Tawhid sauve la raison de sa faiblesse et son esprit, et sauve la raison de l'adoration de la Shaytan. رواه الترمذي رحمه الله تعالى بسند صحيح إن شاء الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى، يعني هذا حديث قدسي وهو يدل على فضل التوحيد وثمرات التوحيد، قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك أو على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيت بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ومعنى القراب يعني المثل. تسمعني؟ الشيخ حفظه الله عز وجل الحديث، وذلك clôturer cette conférence par un hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi à une chaîne dont de transmission authentique, Inch'Allah. Donc, Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, il dit: j'ai entendu le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit: Allah Azza wa Jal dit, dans cette expression, Allah Azza wa Jal dit, on montre que c'est un hadith, produit un hadith du temps divin. Dans ma part, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Allah Azza wa Jal a dit au fils d'Adam, donc que tu m'invoques, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc tu m'invoques, je m'implore, je te pardonnerai. Si tu viens à moi avec l'équivalent de la terre en péché et tu implores le pardon, ou tu implores mon pardon, je te pardonnerai. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, au fils d'Adam, si tu viens à moi avec les divins de la terre, les péchés, sans rien m'associer, donc je te pardonnerai. فنختم بهذا، وأوصيكم وصية أن تقوموا بالتوحيد وتقعدوا بالتوحيد وتناموا على التوحيد، فإنها وصية النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي وصية الأنبياء أولهم وآخرهم، وهي وصية العلماء رحمهم الله تعالى. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يميتنا على التوحيد، ونسأله جل وعلا أن يجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائه. وشكر الله للأخوات هذا اللقاء، لأخينا بأويس هذه الترجمة، ولكم حسن الاستماع. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Finalement, cher Hadid Allah, a nous dit, nous donne un conseil en disant: je vous conseille de pratiquer le tawhid et d'être parmi les mouahidin, et que vous nourrir avec le tawhid, vous conseiller avec le tawhid, vous remettre avec le tawhid et d'appeler les gens vers le tawhid, car c'est la recommandation, le conseil du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la recommandation des savants. Nous demandons donc à Allah Azza wa Jal qui fasse mourir sur ce tawhid. Et finalement, Cheikh Abdallah Azza wa Jal a dit et remercie celle qui gère cette chaîne et qui était une cause pour assurer cette conférence. Et je vous remercie tous et toutes pour votre présence et d'être à l'écoute. Barakallahu fikum. سؤال شيخنا حفظكم الله هل يمكن أن يكون هناك في الأسئلة؟ لا بس أعطيكم إن شاء الله. طيب إن شاء الله. هناك سائلة تقول نعم هناك سائلة تقول هل يمكن للشيخ أن يبين لنا الأسباب المكفرة للذنوب يعني غير التوبة غير سبب التوبة؟ ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مستنبطا من الكتاب والسنة، فهي قرابة 10 أسباب، ومن أعظمها التوحيد، ثم اتباع السنة، ثم الأعمال الصالحة العظيمة التي تكون أعظم من السيئة، رابعا المحافظة على الأذكار، يعني أذكار الصباح والمساء والنوم والصلاة وعموم الذكر. خامسا مغفرة الله عز وجل ابتداء. سادسا مغفرة الله تبارك وتعالى للعبد لسابقة كانت منه. ثامنا مغفرة الله تبارك وتعالى بسبب دعاء الصالحين شفاعته. هذه بعض الأسباب الماحية للذنوب، نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا. نعم. Cheikh Abdallah répond à la question de la personne qui a demandé les causes qui expliquent les péchés en dehors du repentir. Donc, Cheikh Abdallah Azza wa Jalla dit parmi les plus grandes causes, la tawhid. Puis, le fait de suivre la sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, les œuvres ou les grandes œuvres qui sont plus grandes que le péché. Quatrièmement, le fait de préserver et d'être assidu et d'invoquer Allah Azza wa Jal abondamment. Et ça rentre dans les invocations du matin, du soir, avant de dormir, et l'invocation de façon générale. Parmi les causes aussi, c'est le pardon d'Allah Azza wa Jal en premier. Et parmi les causes, le pardon d'Allah Azza wa Jal pour une bonne œuvre que la personne a accomplie. Et parmi les causes aussi, le fait de connaître Allah Azza wa Jal. Parmi les causes, l'invocation des personnes pieuses et leurs intercessions. شخص قد فتح حسابا جاريا وبعد ذلك دعا إنسانا آخر يعني سوق هذا الحساب لشخص آخر فاستقبل مالا يعني كهدية على هذا التسويق من هذا البنك، فهل هذا المال الذي استقبله بارك الله فيكم يجوز الأخذ وهذا حلال أم لا؟ إن كانت الدعاية التي عملها هي لبنك تعمل وفق الشروط والضوابط الشرعية فلا بأس بأخذه لهذا المال، وأما إن كان المال لبنك معلوم ومعروف ومشهور بالربا فهذا مال حرام. Pour la personne qui demande le parrainage en ce qui concerne les comptes bancaires, le Cheikh Abdallah Azzawajal a dit si cette banque travaille avec les conditions légiférées, sans riba, donc il n'y a pas de mal de prendre cet argent. Si c'est le contraire, donc ce n'est pas permis. لو تكون الأسئلة حول الموضوع أحسن. Okay, شيخ عبد الله عز وجل بالنسبة في هذه الكيسيون concerne le sujet. شوف المشاركين اللي رافعين أيديهم شوف شنو سؤالهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je voudrais vous poser une question. J'ai une famille qui souhaite faire un visa pour le mois d'août en Tunisie. Et en ce moment, la Tunisie, ses problèmes sanitaires sont aggravés, sachant que les enfants ont été acceptés en inscription pour l'école privée en Tunisie pour septembre, inchallah. La personne voulait savoir si, qu'est-ce qu'elle doit faire. Est-ce qu'elle doit attendre, repousser la visa suite aux problèmes qui se passent en Tunisie avec le Covid qui s'est aggravé. Ou est-ce que malgré tout ça, les Sénégalais ils peuvent partir. Voilà. Cheikh, l'Ost SL, on est d'Ost SL, Inch'Allah, qui est Inch'Allah, pas Inch'Allah, d'Ost. Il a un Al-Hanat Sahiyat qui est Bala de Tunis, Réunstatar. وموضوعة لهذا الفيروس أولادها لقد تم قبولهم في النظام الدراسي، فهل يجوز لها أو هي تستنصحكم إذا كان من الأفضل التأخير أو الذهاب مباشرة إلى أو المهاجرة مباشرة أو الهجرة مباشرة؟ إذا كان الخوف غالبا فلا أنصحها بالهجرة، أما إذا كان الخوف متوهما فأنا أنصحها بالهجرة. نعم. الشيخ عبد الله عز وجل قال que si tu es sûr et qu'il y a une peur illusoire ou une peur sûre, donc je vous recommande de rester ici. Restez où vous êtes. Si c'est une peur, juste de conseil imaginaire, donc je vous conseille de pratiquer la hijra. Ma question en fait elle se pose, j'habite une petite ville en France et la mosquée en fait ici elle est gérée par des personnes qui suivent un petit peu la mouvance habachite et les personnes sur la Sunna en fait ici il n'y a personne qui prêche ni faut quoi que ce soit et cette secte là en fait elle prend de plus en plus d'ampleur et je voulais en fait savoir qu'est-ce que nous à notre niveau on pouvait faire et qu'est-ce qu'on se devait de faire en sachant que on est mère de famille avec des enfants, etc. Est-ce qu'on se doit en fait de nous en fait la question ça va être est-ce qu'on se doit de prêcher, d'essayer de faire quelque chose, de faire dawa ou bien ne rien faire et rester chez soi. D'accord. السيدة تقول بارك الله فيكم أنها تعيش في مدينة لا يوجد فيها دعاة إلى السنة وأهل البدع فيها كثيرون خاصة الأحباش منهم وهذه الفرقة قد كثرت في منطقتهم فهي تسألكم بارك الله فيكم ما الذي يمكنهم أو يمكنهم لنا فعله جراء انتشار هذه الفتن فهل يكتفون بنشر أشياء مع العلم أن لا هم أبناء بارك الله فيكم بارك الله فيكم فماذا تنصحون أولا أنصحهن بالتواصل مع مشايخ السنة وطلاب العلم من أهل السنة سواء الذين هم يعيشون في فرنسا أو خارج فرنسا وثانيا أنصحهن بطلب العلم ثم دعوة أهل الأحباش وأولادهم إلى الكتاب والسنة والتحذير تحذير من لا يعرفهم منهم Donc, cher Abraham, je vous conseille d'être en contact avec les savants et les machines de la Sunna, que ce soit de votre ville ou en dehors de votre ville. Et deuxièmement, je vous recommande, il dit, cher Abraham, d'apprendre la science religieuse et d'appeler ces Ahbash, ces Habashis vers le livre d'Allah et la Sunna de Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et mettre les gens en garde contre eux et leurs mains. C'est la dernière question. Ma question, en fait, c'est je voulais savoir peut-on concrétiser le tarahid malgré les péchés en fait à côté. Écoute. Est-ce que vous pouvez répondre à la question parce que ça s'est coupé dans le monde. Recording start. Ma question c'était, je voulais savoir, peut-on concrétiser le tawahid malgré les péchés à côté? Et si on peut, comment on peut le concrétiser? مع وجود الذنوب تحقيق التوحيد الواجب وأما تحقيق التوحيد الكامل المستحب فلا يمكن مع وجود الذنوب والمعاصي نعم الشيخ الله عز وجل عندي سنو مفيد أهل السنة والجماعة إذا لفتكم تحقيق التوحيد لفتكم رياليز التوحيد أولي دفع سنو التوحيد سنو التوحيد Il y a le tawhid obligatoire, il y a le tawhid recommandé comme il vient de ses péchés. Donc il dit le fait de concrétiser le tawhid obligatoire est possible à la présence des péchés. Donc c'est l'avis de l'insoumis en général. Et le fait de concrétiser le tawhid recommandé ne sera pas possible à la présence des péchés. Donc, Abou Imran, si mon cher vous appelle pour poser la question. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Cheikh. Ana uridu ashalat, inshaAllah, ala sukuat. Alhamdulillah. Yani, ana fi Faransa, wa kunt saghir, kunt fi mashakil kabir. ثم ربي هداني إلى السنة والحمد لله. أما أنا الآن في فرنسا في فتنة كثيرة ورحت إلى مصر فشفت الخير اللي يكون فيه. أما بعد أنا رجعت إلى فرنسا ثم الفتنة كثرت عليا. وماذا أفعل؟ يعني أنا أدرت الحمد لله كثيرا يعني يعني تجارة دائما ننجح ثم من بعد لا أنا الحمد لله ثم أنا أريد يعني أريد أسألك يعني مهاجر او يعني نكمل تجارتي ومن مهاجر ان شاء الله. هذا سؤالي. بارك الله فيك. اولا نسال الله ان يثبتكم جميعا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. ولا شك ان الانسان الذي يكون في بلاد الكفر انه معرض للفتن الكثيره التي لا وجود لمثلها في بلاد المسلمين، بل لا وجود لنصفها في بلاد المسلمين والحمد لله. ولهذا الصحيح من اقوال اهل العلم ان من لم يكن منشغلا بالدعوه الى الله عز وجل وعلى ثغره من ثغور الدعوه انه يجب عليه ان يهاجر اذا استطاع. لماذا يجب عليه ان يهاجر؟ لان في هجرته حفظا لدينه، حفظا لعرضه، وحفظا لذريته. والانسان في هذه الدنيا كم سيعيش؟ 60 سنة ولا 100 سنة؟ لو كان 100 سنة، لو عاش 100 سنة فقير ثم أعطي الجنة لكان شيئا يسير. عيشه فقيرا في مقابل الجنة ليس بشيء. لو قال لك رجل في فرنسا عش 10 أيام بلا طعام وأنا أعطيك 100,000 جنيه فرنسي، كل واحد من الناس يتسابق ويفعل هذا الفعل. لماذا يعيش 10 أيام بلا طعام؟ لأنه يعلم أن الذي وعده صادق فسيعطيه 100,000 جنيه ويرتاح. رب العالمين جل وعلا أصدق القائلين وخير من وعد، أخبرنا أننا مهما عشنا في الدنيا فإنها فانية وأن الجنة هي الباقية. أوصيك وصية، إذا قدرت أن تعيش في دولة من دول الإسلام كمصر أو نحوها فهاجر، ولو أن تكون مسكينا أو فقيرا خير لك من أن تكون عزيزا غنيا وأنت في بلاد الكفار. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا وشكر الله عز وجل لشيخنا محمد القاضي رحمه الله عز وجل، جعل ما ألقاه علينا ذخرا له يوم القيامة، وما لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.